Alléluia. Alléluia. So let's move on to the next level, precious people. Allons dans un autre degré, précieux peuple. The book of John chapter 1. I'm reading verses 1 to 5. L'évangile de Jean, chapitre 1, je vais lire le verset 1 à 5. Alléluia. Alléluia. In the beginning was the word. Au commencement était la parole. And the word was with God. Et la parole était avec Dieu. And the word was God. Et la parole était Dieu. He was with God in the beginning. Elle était au commencement avec Dieu. Verse 3. Verset 3. Through him all things were made. Toutes choses ont été faites par elle. Without him nothing was made that has been made. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. In him was life. En elle était la vie. And that life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. You see the light that the Lord brought to the world, the dark world? Vous voyez la lumière que le Seigneur a apportée dans le monde sombre. In him was light. En elle était la lumière. And that light was the life of men. Et cette lumière était la lumière des hommes. You immediately begin to see. Immédiatement, vous commencez de voir. That there was death and darkness. Qu'il y avait la mort et les ténèbres. Upon the fall of Adam. Depuis la chute d'Adam. And now he brings light. Et maintenant, il apporte la lumière. Which is the life for man. Qui est la vie pour l'homme. Verse 5. Verset 5. The light shines in the darkness. La lumière luit dans les ténèbres. But the darkness has never understood it. Mais les ténèbres ne l'ont jamais compris. Listen, precious viewers. Écoutez, précieux auditeurs. This is absolutely critical to the church. C'est absolument important pour l'Église. Because I am still exploring the fact. Parce que je suis encore en train d'explorer le fait. That the Lord made a sweeping, everlasting statement. Que le Seigneur a fait une déclaration écrasante et éternelle. When he said. Quand il a dit. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. That means. Ça signifie. He brought a certain light. Il a amené une certaine lumière. That is the life that we needed. Qui est la vie dont on avait besoin. So we can bear the life of the Lord. Alors nous pouvons porter la vie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. That the dying world can tap upon. Que le monde qui est en train de mourir peut exploiter. Can see. Peut voir. And find Christ. Et trouver Christ. And that life is given unto us. Et cette vie nous est donnée. By the light. Par la lumière. That the Lord brought unto the dark world. Que le Seigneur a amené dans le monde de ténèbres. You see that? Vous voyez ça? And that's why. Et c'est pourquoi. It was absolutely necessary. C'était absolument nécessaire. For the 10 virgins to pick a lamp each. Que les 10 vierges prennent chacune une lampe. Before they stepped out in the darkness. Avant qu'elles sortent dans les ténèbres. I'm just exploring on the darkness. Je suis juste en train d'explorer dans les ténèbres. Why the Lord said. Pourquoi le Seigneur a dit. He would come in the midnight. In the heart of the darkness. Qui veut venir à minuit dans le cœur des ténèbres. And why it was necessary. Pourquoi c'était nécessaire. For the virgins. Pour les vierges. The five wise virgins, five foolish virgins. Les cinq vierges sages et les cinq vierges folles. To carry their lamps. De prendre leurs lampes. And once you will understand this. Et une fois que vous aurez compris ça. Then you can understand also the requirements of the Lord. Vous pourrez aussi comprendre les exigences du Seigneur. On what quality of light. À propos de quelle est la qualité de lumière. You ought to emit. Vous devez émettre. In the dark world. Dans le monde de ténèbres. So you can be able to enter the kingdom of God. Alors vous pouvez être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Remember there are other counterfeit lights and fires and lamps. Souvenez-vous, il y a d'autres contrefaçons de lumière, de feu et de lampe. We are familiar very well. Nous sommes très bien familiers with Nadab and Abihu, avec Nadab et Abihu, who lit some strange fires, qui ont amené un feu étranger, even before the Lord, même devant le Seigneur. So there are other fires too. Alors il y a d'autres feux. But I want to walk you very slowly in that direction. Mais je veux vous amener très doucement. So we may be able to know even how the wise virgins entered into the kingdom of God. Alors vous serez capable de savoir pourquoi les vierges sages sont entrées dans le royaume de Dieu. Now, the book of Matthew, chapter 5. Maintenant, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verses 13 to 16. Versets 13 à 16. This is what he says. C'est ce qu'il dit. Matthew 5, 13 to 16. Matthieu 5, 13 à 16. He says, il dit, but if the salt loses its saltiness, mais si le sel perd sa saveur, how can it be made salty again? Avec quoi la lui rendra-t-on? And he says, it is no longer good for anything except to be thrown out and be trampled by men. Et il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. That is very critical if you really want to understand. Ça c'est vraiment important si vraiment vous voulez en comprendre. The distinction between the five foolish virgins, la distinction entre les cinq vierges folles, and the five wise virgins, et les cinq vierges sages. Let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. The church that fails to enter the rapture, l'église qui n'entrera pas dans l'enlèvement, and the church that makes up the perfect bride of Christ, et l'Église qui sera la parfaite épouse de Christ and enters the rapture, et qui entrera dans l'enlèvement. He says, when she loses her saltiness, il dit, quand elle perd, il perd sa saveur. She has to be trampled, rejected, il a à être rejeté, jeté dehors. As in to tell you the truth, de sorte que, pour vous dire la vérité, I do not know you. Je ne vous connais pas. Alléluia. Alléluia. And then he goes to verse 14 and says, et quand il va au verset 14, il dit, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. A city on a hill cannot be hidden. Une cité située sur une montagne ne peut être cachée. Neither do people light up a lamp and put it under a bowl. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. In other words, under a roof. En d'autres mots, sous le toit. Alléluia. Alléluia. Call the church. Appel à l'église. Instead, they put it on a stand. À la place, on la met sur le chandelier. And it gives light. Et elle éclaire. Everyone in the house. Tous ceux qui sont dans la maison. In the same way. Dans la même manière. Let your light shine before men. Alléluia. Laissez votre lumière briller devant les hommes. Alléluia. Do you begin to understand why the virgins had to take their lamps? Vous commencez à comprendre pourquoi les vierges ont à prendre leurs lampes and go out et aller dehors. Let your light shine before men. Laissez votre lampe briller devant les hommes. That they may see your good deeds. Alléluia. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. And praise your Father in heaven. Et glorifie votre Père qui est dans les cieux. I think this is absolutely deep right now. Je pense que ceci est absolument profond juste maintenant. Because he is bringing in another factor now. Parce qu'il amène un autre fait maintenant. That light is not an ornamental light, like I said. Que cette lumière n'est pas une lumière ornementale, comme je l'ai dit. Just a decorative light. Juste une lumière décorative. Yeah, maridadi. Décorative. But that light is a reflection of the light of the world that is our Lord Jesus. Mais cette lumière est une réflexion de la lumière du monde qui est notre Seigneur Jésus. That the wise virgins, que les vierges sages, have been able to tap from, ont été capables d'exploiter. Alléluia. Alléluia. No wonder, pas étonnant, they cease to remain in the house, elles arrêtent de rester dans leur maison, in the four walls of the church, dans les quatre murs de l'église, and now they step out, et maintenant elles sortent, wearing the image of Christ, the Son of the living God, se revêtant de l'image de Christ, le Fils du Dieu vivant, who said, I am the light of the world, meaning the dark world, qui a dit, je suis la lumière du monde, en pensant le monde de ténèbres. I am the light of the dark world. Je suis la lumière des ténèbres. And they too, et elles aussi, taking up the commission now, prenant le mandat maintenant, stepping out into the darkness, sortent dans les ténèbres, that men may see now the good deeds. That means, que les hommes puissent voir maintenant les bonnes œuvres. Ça signifie, that light brings forth the good deeds. Cette lumière apporte les bonnes œuvres. Hallelujah. Alléluia. The good deeds of the Holy Spirit. Let me jump ahead of myself here. Hallelujah. Les bonnes œuvres du Saint-Esprit. Laissez-moi aller plus haut que moi-même. Alléluia. The good deeds of the Holy Spirit. Les bonnes œuvres du Saint-Esprit. Down the line, I'm going to speak about the fruits of the Spirit that comes in the light. Plus tard, je vous parlerai des fruits du Saint-Esprit qui viennent avec la lumière. And why the oil is the Holy Spirit. Et pourquoi l'huile du Saint-Esprit? Let me jump ahead of myself here. Laissez-moi aller au-dessus de moi-même ici. But it's very important to understand. C'est très important de comprendre that light, que cette lumière, is supposed to be seen by the dying world. Est supposé être vu par le monde qui est en train de mourir. By the lost souls. Par les âmes qui sont perdues. He says we cannot light up that light. On peut pas faire luire cette lumière. And put it under a barn. Et la mettre sous le boisseau. Or under a roof. Ou bien sous le toit. If these ones have received the Lord. Que ceux qui ont reçu le Seigneur. Let us seek out. Laissons-nous regarder dehors. And find people. Et trouver des gens. That have not known the Lord. Qui n'ont pas connu le Seigneur. From different religions. De différentes religions. From different backgrounds. De différents passés. So we can evangelize to them. Comme ça, on peut les évangéliser. So they too may find the light that we have found. Alors, ils peuvent eux aussi trouver la lumière que nous avons trouvée. And remember that you too. Et souvenez-vous que vous aussi, somebody had to step out, quelqu'un a dû sortir to evangelize to you, pour vous évangéliser, so you could receive the Lord, comme ça vous avez pu recevoir le Seigneur, and be the bearer of the light of the Lord, et être un porteur de la lumière du Seigneur, the light of the world, la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. And so he says very clearly here, et alors il dit très clairement ici, that the virgins, que les vierges, had to take the lamps, ont à prendre les lampes, because the Lord says, parce que le Seigneur dit, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. So it was absolutely necessary, alors c'était absolument nécessaire, that they take up the lamps, qu'elles prennent les lampes, as they are going out in the darkness, puisqu'elles allaient dehors dans les ténèbres, that when the world will see them, que quand le monde va les voir, the world will see the good deeds of the Lord, le monde va voir les bonnes œuvres du Seigneur, and give praises unto the Lord God our Father in heaven, et donner gloire à notre Seigneur Dieu, notre Père dans les cieux. In other words, dans d'autres mots, they too may believe, ils peuvent aussi croire, and find light, et trouver la lumière. They too may believe, ils peuvent aussi croire, and step out of darkness, et sortir des ténèbres. Alléluia. Alléluia. To bring it to another level, pour vous amener à un autre niveau, that they too may believe, qu'ils puissent aussi croire, and step out of their death, et sortir de la mort, that characterizes the darkness, qui caractérise les ténèbres. Because very clearly we have seen, parce que très clairement nous avons vu, that when he came in John chapter 1, que quand il vient dans l'évangile de Jean chapitre 1, he brought the light, il a amené la lumière, and that light, Et cette lumière became the life of men. Est devenue la vie des hommes. Alléluia. Alléluia. What a mighty, mighty time for the church. Oh, quel puissant, puissant temps pour l'Église. Let's move on as we continue to look at the darkness. Allons plus loin et continuons de regarder à propos des ténèbres. Why did the Lord say that the rapture church? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que l'enlèvement de l'Église has to finally pick up the lamp a finalement à prendre la lampe and step out in the darkness. Et sortir dans les ténèbres? What is in this light and darkness? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière et ces ténèbres? And that's what I'm trying to dissect for you here. C'est ce que je suis en train de disséquer pour vous aujourd'hui. So the church may understand very clearly. Alors, l'Église peut comprendre très clairement, without confusion, sans confusion, without ambiguity, sans ambiguïté, there is a certain requirement, qu'il y a une certaine exigence, there is a certain quality, a certain threshold, qu'il y a une certaine qualité, un certain seuil, a certain minimum, un certain minimum, within the quality of the light that the church needs to carry, à l'intérieur de la qualité de la lumière que l'Église a besoin de porter for her to enter the kingdom of God. Pour qu'elle puisse entrer dans le royaume de Dieu. In fact, en fait, the five foolish virgins, les cinq vierges folles and the five wise virgins, et les cinq vierges sages, all of them had their lamps lit. Toutes les dix ont leurs lampes allumées. But only the wise virgins, mais seules les vierges sages are able to make it into the kingdom of God. Sont capables d'entrer dans le royaume de Dieu. To me, that's the most important peak and finality. Pour moi, la principale, vraiment importante finalité of the waiting process, de l'attente, du procédé d'attente, that you may enter into the kingdom of God. Qui puisse vous faire entrer dans le royaume de Dieu. And we are seeing very clearly here. Et nous avons vu très clairement ici that the light that they carry que la lumière qu'elle porte has its genesis, its beginning, a sa genèse, son commencement in the light of the world. Dans la lumière du monde. And that to me is so critical because it brings into picture. Et ceci pour moi est tellement important parce que ça nous amène dans une image. Who lit their lamps? Qui éclaire la lampe? Alléluia. Alléluia. If you are going to be a bearer of the light that comes out of Christ Jesus, the light of the world, si vous voulez être un porteur de la lumière de Jésus-Christ notre Seigneur, there is no other except that your lamp is lit by Christ. Il n'y a pas d'autre manière que votre lampe soit éclairée par Christ. And I'm asking you already, those of you that are listening, et je vous demande, vous autres qui écoutez, who lit your lamp? Qui éclaire votre lampe? Whose lamp are you bearing? La lampe de qui êtes-vous en train de porter? Alléluia. Alléluia. Well, let's move on. In the book of Matthew, chapter 6, we are still advancing. Allons à l'évangile de Matthieu, chapitre 6. On veut avancer on the same understanding dans la même compréhension that there was an absolute need que, qu'il y avait besoin absolu to carry a lamp as the church waits for the bridegroom. De porter une lampe pendant que l'Église attend l'époux. Because there is darkness out there. Parce qu'il y a des ténèbres dehors. But what does the Lord tell us about this lamp she carries? Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de cette lampe qu'elle porte? Is she just carrying an ornamental lamp? Est-ce qu'elle porte seulement une lampe ornementale? A decoration and she waits? Une décoration pendant qu'elle attend? We are seeing that absolutely no. Nous avons vu que c'est absolument non. There is a requirement of a certain quality. Il y a une exigence d'une certaine qualité in the lamp she bears. Dans la lampe qu'elle porte. In fact, we are even seeing now, en fait, nous avons même vu maintenant that there are several counterfeit lights. Qu'il y a beaucoup de lumières de contrefaçon. Alléluia. Alléluia. Matthew chapter 6, verses 22-24. This is what he says here. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 24. C'est ce qu'il dit ici. About the light that the church goes out with, à propos de la lumière avec laquelle l'Église sort in the darkness, dans les ténèbres to wait on the Lord. Pour attendre le Seigneur. Again, Matthew chapter 6, encore Matthieu chapitre 6 verses 22, verset 22 all the way to 24. This is what the Lord says. Jusqu'à 24. Voilà ce que le Seigneur dit. He says, the eye is the lamp of the body. Il dit, l'œil est la lampe du corps. If your eyes are good, si ton œil est en bon état, your whole body will be full of light. Tout ton corps sera plein de lumière. Verse 23 says, le verset 23, il dit, but if your eyes are bad, mais si ton œil est en mauvais état, your whole body will be full of darkness. Tout ton corps sera plein de ténèbres. If then the light within you is darkness, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, then how gross, how great, alors combien is that darkness? Seront grandes ces ténèbres. Again, to bring it to another level, et encore, pour vous amener à un autre niveau, you begin to understand, vous commencez à comprendre why the Lord was talking about, pourquoi le Seigneur était en train de parler à propos the need for the church, du besoin pour l'Église to be the bearer of the light, to carry the light, d'être la porteuse, de porter la lumière and go out in the darkness. Et sortir dans les ténèbres. And now it dawns on the church, maintenant, il se fait jour pour l'Église that the light they are carrying, que les lumières qu'elle transporte, the light the church is carrying in the darkness of the world, que la lumière que l'Église est en train de porter dans les ténèbres, in the dark world, dans le monde de ténèbres, is essentially, est essentiellement a reflection, un reflet of the state of the church, de l'état de l'Église. Alléluia. Alléluia. Because it says, your eyes are the lamp of your body. Parce qu'il dit, votre œil est la lampe de votre corps. Now, it is very critical, maintenant, c'est très important, we understand that, que nous comprenions, when the Lord was speaking about the 10 virgins going out with the light in the darkness, quand le Seigneur était en train de parler des 10 vierges sortant avec la lumière dans les ténèbres, he essentially implied, il impliquait essentiellement, that when the world will look at the lamp, que quand le monde regardera à ces lampes, when the world will look at the light emitted, quand le monde verra la lumière émise, alléluia, alléluia, from the church, de l'Église, then the world will be able, alors le monde sera capable, to know how much light there is in the church, de savoir combien de lumière il y a dans l'Église. In other words, en d'autres mots, the world will be able to find light. Le monde sera capable de trouver la lumière. Alléluia. Alléluia. There is no way, this is what the Lord is saying. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. There is no way that the church would carry a light. Il n'y a pas de chemin où l'Église va porter la lumière that does not reflect her state of being. Qui ne reflétera un état d'être. And that's why he says, your eyes are the lamp of the body. C'est pourquoi il dit, votre œil est la lampe du corps. If there is going to be darkness, si ça va être des ténèbres inside you, à l'intérieur de vous, then all you'll emit is darkness. Alors tout ce que vous allez émettre, ce sera des ténèbres. And that brings us very close to the fruits of the Spirit. Et ça nous amène très près des fruits de l'Esprit. The fruit of repentance. Le fruit de la repentance. We know very clearly, on sait très clairement, that for the church to receive Christ, for the church even to have been created, que pour l'Église de recevoir Christ, pour l'Église d'avoir été créée, she must have repented. Elle doit avoir de la repentance. Alléluia. Alléluia. And that's why the Lord is emphasizing mightily. Et c'est pourquoi le Seigneur met de l'importance d'une manière forte the need for the church, du besoin pour l'Église to be able to reflect herself in the light she emits. D'être capable de refléter elle-même la lumière qu'elle émet. Now, I know already you're beginning to ask, maintenant, je sais que vous avez déjà commencé à demander what is the difference in the quality of light, quelle est la différence de qualité de lumière that the wise virgins que les vierges sages were emitting étaient en train d'émettre compared to what the foolish virgins emitted. Comparé à ce que les vierges folles émettaient. And it's absolutely clear, et c'est absolument clair, that in the beginning, que au commencement, all the lamps were lit. Toutes les lampes brûlaient. All the lamps gave the same quality of light. Toutes les lampes donnaient la même qualité de lumière. But there is a certain requirement of the peak and time. Mais il y a une certaine exigence à la fin des temps that brings a lot of weight, a lot of load on the lamps. Qui apporte beaucoup de poids, beaucoup de charge sur la lampe. And that's why there is the burning out of lamps. C'est pourquoi les lampes s'éteignent. But let's move it to another level so you can understand it clearly. Alors, laissez-moi vous amener dans un autre niveau et comme ça vous allez comprendre clairement. The book of 1 Thessalonians, chapter 5, le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verses 5 to 9, versets 5 à 9, still talking about the lamp and the light, parle encore à propos de lampe et de lumière, but the wise virgins were able to emit, que les vierges sages étaient capables d'émettre, which lamp and light allowed them to enter the kingdom of God. De ces lampes et de cette lumière les rendaient capables d'entrer dans le royaume de Dieu. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verses 5 to 9. This is what it says here. Versets 5 à 9. C'est ce qu'il dit ici. You are sons of the light. Vous êtes tous des enfants de la lumière. And sons of the day. Et des enfants du jour. We do not belong to the night. Nous ne sommes point de la nuit or to the darkness, ni des ténèbres. So then let us not be like others, ne dormons donc point comme les autres who are asleep, qui dorment, but let us be alert, mais veillons, soyons alertes and self-controlled, et soyons sobres du contrôle de soi-même. Alléluia. Alléluia. For those who sleep, car ceux qui dorment sleep at night. Dorment la nuit. And those who get drunk, et ceux qui s'enivrent, get drunk at night. S'enivrent la nuit. But since we belong to the day, mais nous qui sommes du jour, let us be self-controlled. That's the second time it says self-controlled. Soyons sobres, c'est que se contrôler soi-même. C'est la deuxième fois qu'il parle de se contrôler soi-même, être sobre. Putting on faith and love as a breastplate. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. And the hope of salvation as a helmet. Et ayant pour casque l'espérance du salut. For God did not appoint us to suffer wrath, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. But to receive salvation of our Lord Jesus, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. And he goes on and on. Et il va plus loin. So you see very clearly here, et vous voyez vraiment clairement ici that essentially, que essentiellement when the Lord spoke about the virgins that went out, que quand le Seigneur parle à propos des vierges qui sont sorties with their lamps giving light into the darkness of the world, avec leurs lampes donnant de la lumière dans les ténèbres du monde, the five foolish virgins, les cinq vierges folles, and the five wise virgins, et les cinq vierges sages, going to wait for the rapture, wait for the coming of the Lord, allant pour attendre l'enlèvement pour la venue du Seigneur. Outside, they stepped out, elles sont sorties, In the darkness. Sorti dans les ténèbres. Essentially implied. Essentiellement impliqué. That when the men of the world, when the world will look at the light they emit. Que quand les hommes du monde, quand le monde verra la lumière qu'elles émettent, the world should be able to see the salvation of our God through our Lord Jesus. Le monde sera capable de voir le salut de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. And that is bringing us even closer and closer to the oil. Et ça nous amène toujours plus près de l'huile. Because how can the world see the salvation of Christ in the church? Alors, comment le monde peut voir le salut de Christ dans l'Église? That means there are certain things the world would need to see. Ça signifie qu'il y a certaines choses que le monde a besoin de voir. In the life of the five wise virgins. Dans la vie des cinq vierges sages. That is the remnant church. Qui est le restant de l'Église. That's the redefined remnant bride of Christ. C'est l'épouse de Christ restante qui est redéfinie. There are certain attributes of her life. Il y a certains attributs pour sa vie. That this light is supposed to emit. Que cette lumière qui est supposée être émise. So that the world may find the life of Christ. Alors le monde peut trouver la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. And he continues on by saying. Et il continue en disant. That the salvation of our Lord. Que le salut du monde. Is what the world should see. C'est ce que le monde peut voir. Salvation means redemption from sin. Le salut signifie passer du péché à la rédemption. Alléluia. Alléluia. And he says. Et il dit. We cannot continue. On ne peut pas continuer. Living in the darkness, de vivre dans les ténèbres, or living as children of the night, of the dark, ou de vivre en tant que enfant de la nuit ou des ténèbres. And you see in the same scripture they're saying, those who get drunk, they get drunk in the night. Et vous voyez dans la même écriture, il dit, ceux qui s'enivrent la nuit. So you begin right away. Et vous commencez juste là. To see very clearly, de voir vraiment clairement, that the light that the bride of Christ is supposed to emit, que la lumière que l'épouse de Christ est supposée émettre, into the dark world, dans le monde de ténèbres, should be free from the wickedness and the evil of the world, doit être libre de la méchanceté et du mal dans le monde, because he says. All evil and wickedness takes place in the darkness, in the night. Parce qu'il dit, tout mal et toute méchanceté prennent place dans les ténèbres, dans la nuit. Alléluia. Alléluia. What a tremendous time for the church. Quel énorme temps pour l'Église. I just finish up with Revelation. Je veux juste finir avec l'Apocalypse. Chapter 22, we are still dealing with the light. Chapitre 22. Nous sommes encore en train de parler de la lumière. That the Lord allowed the perfect bride, the five wise virgins, que le Seigneur permet à la parfaite épouse, les cinq vierges sages, to emit, d'émettre. And it becomes absolutely clear, et ça devient absolument clair, that for the five wise virgins, que pour les cinq vierges sages, to have emitted, qui ont émis, the rightful light, la pleine lumière juste, that makes them the bearers of the light of the world, font d'elles des porteuses de la lumière du monde, that cometh from the Lord Jesus, qui vient du Seigneur Jésus, for them to have been able to emit the right quality of light, pour elles d'être capables d'émettre la bonne qualité de lumière, into the dark world, dans le monde de ténèbres. Then their lamps must have been lit by Christ. Et leurs lampes doivent être allumées par Christ. Alléluia. Alléluia. So they can be able. Alors elles peuvent être capables. To carry the light of the world. De porter la lumière du monde. The light that is Christ. La lumière qui est Christ. But how about alors, comment à propos the light that the five foolish virgins were bearing? À propos de la lumière que les vierges folles étaient en train de porter. It is very important to realize c'est très important de réaliser that they too elles aussi had their lamps lit by Christ. Ont leurs lampes allumées par Christ. Alléluia. Alléluia. No wonder all of them were born again. Pas étonnant, toutes étaient nées de nouveau. The book of Revelation, chapter 22, verse 5, le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 5, even brings you closer to understanding this. Même vous amène plus près pour comprendre cela. Revelation 22, Apocalypse 22, verse 5. Look at what it says about the New Jerusalem. Le verset 5. Regardez ce qu'il dit à propos de la Nouvelle Jérusalem. He says, there will be no more night in the New Jerusalem. Il dit, il n'y aura plus de nuit dans la Nouvelle Jérusalem. They will not need the light of the lamp. Et ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière. Or the light of the sun. Ou de la lumière du soleil. For the Lord God will give them light. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. And they will reign forever and ever. Et ils régneront au siècle des siècles. I'm using this scripture that you may be able to understand. Important, cette écriture vous rendra capable de comprendre that essentially, que essentiellement it is Christ that lit the lamps que c'est Christ qui allume les lampes when the virgins were stepping out. Quand les vierges étaient en train de sortir. Alléluia. Alléluia. Because even in the New Jerusalem, parce que même dans la Nouvelle Jérusalem, where Christ will be, où Christ sera, he tells us here, il nous dit ici, there will be no darkness. Il n'y aura pas de ténèbres. And yet there will be no sun. Et maintenant, il n'y aura pas de soleil. No need for the moon. Pas besoin de lune. Because the light that is Christ, parce que la lumière qui est Christ, will be present in that city. Sera présente dans cette cité. And so right away you begin to understand. Et maintenant, juste là, nous commençons à comprendre that the light that the church that enters into the rapture is supposed to emit. Que la lumière que l'église qui va être enlevée est supposée d'émettre is a light that brings salvation unto the dying world. Et la lumière qui apporte le salut au monde qui périt. Alléluia. Alléluia. And the only light that can bring salvation to the dying world. Et la seule lumière qui apporte le salut au monde qui périt. Is the light that is lit by Christ, the Jesus of Nazareth. C'est la lumière qui est allumée par Christ, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Let's move to another level now. The book of John, chapter 8. Allons à un autre niveau maintenant. L'évangile de Jean, chapitre 8. Let's finish with that, verse 12, so we may finish with the light. Finissons avec cela. Aussi, on pourra finir avec la lumière. Just understanding, what did the Lord mean by the light, the lamps that they carried? Juste pour comprendre, qu'est-ce que le Seigneur pensait à propos de la lumière, les lampes qu'elle charriait? John 8, verse 12. Jean 8, verset 12. Alléluia. Alléluia. Why did the Lord require of the church that waits on the rapture? Pourquoi le Seigneur a-t-il exigé de l'église qui attend pour l'enlèvement? To carry a lamp. De porter une lampe. What is it about this light? Qu'est-ce qui en est à propos de cette lumière? Now you're beginning to understand even deeper. Maintenant vous êtes en train de comprendre même plus profondément. That inside this light, que à l'intérieur de cette lumière is the identity of Christ. Il y a l'identité de Christ. No wonder inside this light, pas étonnant, à l'intérieur de cette lumière is the life of Christ. C'est la vie de Christ. Now the book of John chapter 8, I'm reading verse 12, he says, l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12, il dit, when Jesus spoke again to the people, quand Jésus leur parla de nouveau, he said, I am the light of the world. Il dit, Je suis la lumière du monde. And whoever follows me will never walk in darkness. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. But will have the light of life. Mais il aura la lumière de la vie. Do you now begin to understand why it's so important to understand the character of this light? Maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est si important le caractère de cette lumière? That the virgins stepped out with. Avec laquelle les vierges sont sorties. You don't want to step out with another light. Vous ne désirez pas sortir avec une autre lumière. Then it will be a lot of wasting of time. Ensuite, il va être un temps de beaucoup de temps perdu. Because he said, I am the light of the world. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. And whoever wants to follow me, et celui qui me suit will never walk in darkness, ne marchera pas dans les ténèbres, but will have the light of life. Mais il aura la lumière de la vie. Now listen to something interesting here. Alors écoutez quelque chose d'intéressant ici. I am going to advance you to the next level. Je vais commencer à vous avancer dans l'autre niveau. Where you will begin to understand, où vous commencerez à comprendre, that even as the virgins stepped out with the lamps, et même si les vierges sont sorties avec des lampes, the lamps were lit, les lampes étaient allumées, there was a certain efficiency, il y avait une certaine efficacité, with which the lamps were lighting, it's called the wick. Avec laquelle les lampes étaient allumées, ça s'appelle la mèche. The wick of the lamp, when you light up the lamp, la mèche de la lampe, quand vous allumez la lampe, there is a wick that sucks the oil, il y a une mèche qui prend l'huile, and the oil goes on to light, et l'huile va à travers pour éclairer. And when you have a new lamp that is just lit, et quand vous avez une nouvelle lampe qui est juste allumée, it will burn with a certain efficiency, ça va brûler avec une certaine efficacité, when you step out in the darkness, quand vous sortez dans les ténèbres, but the more you burn this lamp, mais plus vous faites brûler cette lampe, the more the lamp becomes more efficient, plus la lampe devient plus efficace. Alléluia. Alléluia. In drawing the oil, à s'immerger d'huile, in emitting the light, en émettant la lumière, you are removing the soot, vous enlevez la suie. Soot is the kind of smoke, la suie est une sorte de fumée, that you first see when the lamp is beginning to light, que vous voyez quand la lampe commence à brûler, becomes more and more efficient, qui devient de plus en plus efficace, which means even the Christians in the church, ce qui signifie que même les chrétiens dans l'église, that goes out there to wait on the Lord, qui sortent pour attendre le Seigneur, when that church begins to burn, quand cette église commence à brûler, to emit the light and the life of Christ unto the dying world, pour émettre la lumière et la vie de Christ au monde qui périt, she will begin to exude more light, elle veut commencer à sortir plus de lumière, more fruit of that light, plus de fruits de cette lumière, she will begin to grow and mature more and more, elle va commencer à croître et à être toujours plus mature, into the things of the salvation of our Lord Jesus, dans les choses du salut de notre Seigneur Jésus, that will draw more and more of the dying world, qu'il déversera de plus en plus pour le monde qui périt, into the salvation of our Lord, dans le salut de notre Seigneur. You see that? Vous voyez ça? To begin to draw more and more, de commencer à déverser de plus en plus, of the dying world, pour le peuple qui périt, into Christ, par Christ. So that will make this church, alors ça va faire cette église, the five wise virgins, les saints vierges sages, continuously walking this path, continuellement en marchant dans ce sentier, walking efficiently because their lamps are emitting the bright light, the good light. Marchant efficacement parce que leurs lampes émettent la lumière brillante, la bonne lumière. Not stumbling and falling. Sans trébucher et tomber. Thereby allowing them to mature up. Ce qui leur permet de devenir matures. Alléluia. Alléluia. No wonder he says. Pas étonnant, il dit. He's coming for a perfect. Il vient pour une parfaite. And a mature bride. Et une épouse mature. Alléluia. Alléluia. So when the winds of the world will come. Alors, quand le vent du monde va venir. They will not be swayed left and right, be extinguished. Elles ne vont pas être secouées de droite à gauche et être éteintes. But will be able to withstand the storms. Mais seront capables de supporter ces tempêtes. Of the peak hour. À l'heure de pointe. That is the midnight hour. Qui est l'heure de minuit. Alléluia. Alléluia. So there is an efficiency factor here. Alors, il y a un fait efficace ici. As the virgins step out. Comme les vierges sortent. And their lamps begin to burn. Et que leurs lampes commencent à brûler. Towards the midnight hour. À l'égard de l'heure de minuit. And in so doing. Et en faisant cela. I'm drawing you closer and closer. Je vous conduis toujours plus près. To the fruit of the lamp, of the light, and of the life. Du fruit de la lampe, de la lumière, de la vie. That the five wise virgins were giving to the dark world. Que les saints vierges sages étaient en train de donner au monde de ténèbres. The fruit. Le fruit. Essentially. Essentiellement. I am moving you closer in this teaching. Je vous amène plus près dans cet enseignement. Towards the oil. Envers l'huile. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Let us continue, precious people. Continuons, précieux peuple. And look at what is it that is in this light. Regardez à qu'est-ce que c'est quand il s'agit de cette lumière. That the Lord spoke. Dont le Seigneur parle. I just want us now to look at close to the midnight hour. J'aimerais que nous regardions maintenant près de l'heure de minuit. What happens close to the midnight hour? Qu'est-ce qui se passe près de l'heure de minuit? As the midnight hour draws closer and closer. À l'heure de minuit, toujours plus près, toujours plus près. What happens now to the five foolish virgins? Et qu'est-ce qui arrive maintenant aux cinq vierges folles? And the five wise virgins. Et les cinq vierges sages. Their lamps and even their waiting process. Leurs lampes et même leur procédé d'attente. Alléluia. Alléluia. What is the Lord speaking to you as the rapture church? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire à propos de l'enlèvement de l'Église? The end time church. L'Église de la fin des temps. Even the remnant among you. Et même le restant parmi vous. That will enter. By the way, not all of you will enter. Qui entrera. De cette manière, tous parmi vous n'entreront pas. That's why it's very critical, it's imperative. C'est pourquoi c'est très important, c'est impératif that you pay specific attention to this, que vous payiez une attention très spécifique à ceci, that it may enter every fabric, qu'il puisse entrer chaque tissu of the architecture, de l'architecture of the fiber of your heart, et des fibres de votre cœur, so you may live this word, que vous puissiez vivre cette parole. So you may be able to enter into the kingdom of God. Alors, vous pouvez être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. In fact, if you can listen to me very carefully. En fait, si vous pouvez m'écouter très attentivement. What the Spirit of the Lord is speaking here now. Ce que l'Esprit du Seigneur est en train de nous dire ici. He is saying, look. Il est en train de dire, regardez. We are at the gate of the entrance. Nous sommes à la porte de l'entrée into the kingdom of God, dans le royaume de Dieu. And he is now sorting out the remnant of the remnant. Et il est maintenant en train de trier le reste du reste. Who is entering into the rapture? Qui entrera dans l'enlèvement? This is what the Lord is talking about here. c'est ce à quoi le Seigneur est en train de parler ici. That when it comes finally, et que quand il vient finalement to the gate, à la porte, and those all have heard the voice, et ceux qui ont tous entendu la voix, all have heard the trumpet, tous ont entendu la trompette, when it comes now to the finality of who actually enters, quand il vient à la finalité où qui va entrer, it will boil down, il sera centré to the quality, sur la qualité of the light, de la lumière, and the life of Christ, et de la vie de Christ, that you emitted as a Christian, que vous émettez en tant que chrétien. But let's look at the dying moments, the midnight hour. Regardons les derniers moments, l'heure de minuit. What happens at the midnight hour? Qu'est-ce qui arrive à l'heure de minuit? Alléluia. Alléluia. There are several factors here. Il y a beaucoup de facteurs ici. That the Lord is speaking to the church. Que le Seigneur est en train de dire à l'église. He says at the midnight hour. Il dit que à l'heure de minuit, all the lamps go low. Toutes les lampes s'affaiblissent. That's what we see. C'est ce qu'on voit. When the midnight hour came, quand l'heure de minuit arrive, all the lamps were going low. In other words, getting burnt out. Elles étaient en train de s'affaiblir, en d'autres mots, de s'éteindre. Both the foolish virgins, toutes les deux, les vierges folles, and the wise virgins, et les vierges sages. At the midnight hour, mais à l'heure de minuit, we also see that all the wicks needed to be trimmed. Toutes les mèches devaient être préparées. Alléluia. Alléluia. The foolish virgins woke up and trimmed the wicks of their lamps. Les vierges folles se réveillèrent et préparèrent les mèches de leurs lampes. So did the wise virgins wake up. Alors aussi, les vierges sages se réveillèrent and trimmed the wicks of their lamps. Et préparèrent les mèches de leurs lampes. Alléluia. Alléluia. As the midnight hour grew closer, comme l'heure de minuit arrivait très proche, we see very clearly, vous voyez très clairement, the fact that the lamps were going low, ce fait que les lampes étaient en train de s'affaiblir. But one thing stands out clearly, mais une chose ressort clairement, that a state of anxiety sets in. Qu'un état d'anxiété s'installe. The foolish virgins and the wise virgins woke up anxious, trimming their lamps because les vierges folles et les vierges sages se réveillent, préparant leurs lampes, parce que because the sounding of the voice of the archangel has been heard. À cause que le son de la voix de l'archange a été entendu. There is a state of fear. C'est un état de peur. The foolish virgins are asking for oil from the wise virgins. Les vierges folles demandent de l'huile des vierges sages. There is a state of panic. C'est un état de panique. There is a storm that sets in. Il y a une tempête qui s'installe. Threatening to kill all the lamps. Essayant de tuer toutes ces lampes. Alléluia. Alléluia. There is a state of inability. Un état d'incapacité. Because you see very clearly, all the lamps needed to have their wicks trimmed. Parce que vous voyez très clairement, toutes les lampes avaient besoin d'être préparées. That means the way the lamps were burning. Ça signifie que la manière dont les lampes étaient en train de brûler. From when the 10 virgins first stepped out. Depuis le moment où les 10 vierges sont sorties, to the way they are burning now that the archangel has sounded the midnight cry, jusqu'au moment où elles brûlent maintenant, où l'archange fait entendre le cri de minuit, at two different levels. Ce sont deux niveaux différents. Now we see that the lamps are going low. Maintenant nous voyons que les lampes sont en train de s'éteindre. And we see that all the 10 lamps are going low. Et nous voyons que toutes les 10 lampes sont en train de s'éteindre. But we also see, mais nous voyons aussi, that the 5 wise virgins, que les 5 vierges sages, are exactly the same, sont exactement les mêmes, as the 5 foolish virgins, que les 5 vierges folles, until, jusqu'à, the midnight hour sets in, que l'heure de minuit arrive. Alléluia. Alléluia.